Je suis sur l'axe prioritaire. Normalement, la voiture blanche devrait me laisser passer, mais je dois prendre en compte que la voiture blanche est déjà bien engagée et une voiture arrive derrière sur l'axe prioritaire. Si je ne laisse pas passer la voiture blanche, elle va être obligée de s'arrêter au milieu de la voie. Si la voiture derrière n'a pas ralenti, il y a grand risque d'accident. Il ne coûte rien de laisser passer la voiture blanche pour éviter tout risque. Un appel lumineux ou un petit geste facilitera la compréhension de mes intentions. Réponse A.